J'ai le ver solitaire, la rimade qui se balade par les carrefours d'un monde dont j'aimerais faire le tour. Le couplet qui déplaît et les refrains sans demain sont mis seuls, bien que ça ne serve à rien. Vous autres en bonne santé pouvez marcher en serré. Moi qui suis contagieux, je marche seul et ça vaut mieux. Alors adieu, rêve sans couleur, douceur de petit bonheur. L'existence rassurante, imbibée de normalité. Oui, je marche vers ma mort, mais n'avance pas, moi j'avance encore. Les portes du cimetière, je vais les franchir, l'air très fier, car c'est le mal d'être en cavale. Et les docteurs et professeurs ne me font plus peur, car j'ai choisi mon malheur. Une mélodie qu'on a choisie sans demander votre avis, c'est une maladie qui n'est pas permise ici. Alors adieu facilité, doux foyer et cher banquier. Je pars chercher ma tombe, trouver l'endroit où je succombe. Oui, je suis infecté, mais ne veux pas me soigner. Juste forger mon destin sans demander mon chemin. Avec l'espoir toujours de voir moi le froussard et moi l'ignare. Et que cette ritournelle un beau jour aura des ailes. Et si on finit enfermé dans une prison pour moribond, pestiféré de la chanson, j'espère nous nous comprendrons, car c'est le mal d'être en cavale. Le cancer de croire mais les docteurs, les professeurs ne font plus peur, car on a choisi notre malheur. Et quand le glas sonnera, perçant les ténèbres d'ici-bas, pour appeler dans leur foyer les âmes qui s'y sont égarées, nous serons sourds à leur tambour sans un regard pour leur histoire. Nous marchons sans trait vers cette lueur, vers ce vieux rêve. Et les rois et les reines, maîtres de guerre, d'esprit grégaire, tomberont au matin même, et leurs couronnes tourneront sans verre. Au pied des projets, au pied des exilés qui ont fui la grande cité pour cultiver leur maladie. Et quand le soleil poindra, qu'un jour nouveau se lèvera, si certains ne sont pas en guerre, c'est qu'ils ont le ver solitaire. Oui, c'est le mal d'être en cavale, le cancer de vouloir voir la terre entière. Et les docteurs, les professeurs, ne font plus peur,